L'exposé national des sciences et techniques du secteur forestier a eu lieu les 26 et 27 septembre au Palais des sciences et techniques sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont pris part les enseignants, chercheurs, ingénieurs et les membres des cercles des trois révolutions de diverses unités comme l'Université Kim Il-sung, le ministère de la Protection du Territoire National et de l'Environnement, le ministère d'Exploitation Forestière et l'Académie nationale des sciences. On y a présenté des dissertations de valeur pour la création et la protection du bois et le développement de l'exploitation forestière. On y a remis des diplômes et des prix aux meilleurs participants.